Nos amis étrangers admirent la Corée qui manifeste son prestige de puissance militaire invincible. Le secrétaire général de la direction nationale du mouvement révolutionnaire Tupamaro du Venezuela, le titulaire de chaire de la faculté de politologie de l'université de Damas de Syrie, le chef du cercle d'études des Études de Franconie, Allemagne, le secrétaire général du comité africain d'études des Études et le président du forum allemand anti-impérialiste ont dit que grâce à la direction de Sungun de son excellence le dirigeant suprême Kim Jong-un, la Corée a détenu la bombe à hydrogène pour ainsi se placer au rang des puissances nucléaires. Ils ont souligné que les États-Unis font les pressions sur les pays innovants à leur égard par tous les moyens et méthodes, mais ils n'osent toucher la Corée, puissance politique et militaire qui porte haut la bannière de l'indépendance. Ils ont ajouté que grâce à son excellence Kim Jong-un, la Corée Kim Il-sung, Kim Jong-il manifeste davantage son prestige en tant que puissance socialiste souveraine, indépendante et autodéfensive. Ils ont exalté que sous sa direction éminente, l'esprit inébranlable du peuple coréen héroïque qui inflige des coups foudroyants aux États-Unis habitués à l'agression, à l'intervention et à l'arbitraire et qui renforce fermement la dissuasion nucléaire autodéfensive, encourage vivement les peuples progressistes du monde.